Oh, affaire étrangère, lika mone à moto, affaire étrangère. Mwana ya mama oyoki, balingi ne basambu isanga. Likambo ya koka mwa, malamu poye lokola oyoki. Basusu lokola na ebi, bazali na kitoko ya mayebo. Kitoko ne tango make, nasima eko kauka. Bayunga balei batoni, balingi ne bakamata fiesta mudude. Fiesta ye miziki monene, akende se malembe lokola mesene. Basambu isanga likambo ya koka mwa malamu boye lokola oyoki basusu lokola na ebi bazali na kitoko ya mayebo kitoko ne atango make nasima eko kauka bayuma balei batoni balingi ne bakamata fiesta mudude. Fiesta ye miziki monene, akene se malembe lokola mesene. Oh, affaire étrangère, likambone à moto, affaire étrangère. Oh, affaire étrangère, likambone à moto, affaire étrangère. Oh, likamboye abino, ezali po yabiso, affaire étrangère. Oh, bipalio e abino, to bengi se ko benga, affaire étrangère. Likambo e abino, ezali po ya biso, affaire étrangère. Oh, bipalo e abino, to bengi se ko benga, affaire étrangère. Oh, affaire étrangère, likambo ne a moto, affaire étrangère. Likambo e abino, ezali po ya biso, affaire étrangère. Oh, bipalo e abino, ezali pengo benga, affaire étrangère.